Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Les exonérations faites en faveur des investisseurs burundais n'ont pas donné les fruits escomptés. D'après le professeur fiscaliste Michel Massabo, pour lui, il faudrait une réforme administrative, légale et une évaluation de leur impact. Il s'exprimait au cours d'un atelier de réflexion sur la mobilisation des ressources pour le financement du budget. Le manque de culture du dialogue engendre des scissions au sein des partis politiques, nous dira Tassien Sibomana de l'UPRONA, alors que le président de ce parti rassure que la liberté d'opinion est garantie à tout membre de son parti. Et des habitants de la province de Bitokéro localisés à cause des glissements de terrain ayant occasionné des pertes en vies humaines en 2019, réclament des maisons en dur. Celles qui ont été construites sur financement du PNUD sont en train de s'écrouler en moins de 3 ans. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les exonérations qui ont été octroyées depuis l'indépendance du Burundi n'ont donné aucun avantage au pays, d'après le professeur Michel Massabo, qui s'exprimait au cours d'un atelier de réflexion sur la mobilisation des ressources pour le financement du budget 2023-2024. Un atelier organisé par PARSEM pour trouver une solution à ce problème. Cet enseignant d'université demande au gouvernement de mener une évaluation de l'impact de ces exonérations. On l'écoute. Il y a des mesures à prendre. D'abord, revoir le cadre légal, parce que, comme je l'ai montré, il y a beaucoup de textes qui prévoient des exonérations à l'échelle nationale, à l'échelle communautaire et à l'échelle conventionnelle. Revoir les textes. Oui, il faudrait peut-être une structure de coordination de ces exonérations, parce qu'on a constaté qu'il y a un peu de dispersion dans les décisions pour accorder les exonérations. Et maintenant, il faut aussi évaluer, voir l'impact pour peut-être redresser la trajectoire. Donc, essentiellement, c'est ça. Réforme administrative, réforme légale, et puis évaluation de l'impact. Michel Massabo, professeur d'université. Selon le président de l'ONG locale, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et le Changement des Mentalités PARSEM, le Burundi devrait renforcer les relations de partenariat avec les bailleurs de fonds dans le but d'avoir des devises en quantité suffisante. Faustin Dikoumana, président de cette organisation, ajoute que pour atteindre la vision d'un Burundi pays développé en 2060, il faut d'abord payer toutes les dettes qui dépassent les 5 000 milliards de francs burundais. On veut atteindre une vision 2040, Burundi émergent, Burundi développé en 2060. Mais il faut passer au crible, sans complaisance, sans faux fuyant sur les vraies réalités de l'économie burundaise, c'est-à-dire les indicateurs macroéconomiques. Vous devez donc constater l'explosion de la dette publique. 4 000 milliards dette intérieure, 1 300 milliards dette extérieure. 5 300 milliards avec une capacité de mobilisation fiscale de 1 700 milliards. Avec une prétention de mobiliser l'aide à 900 milliards. Avec un déficit déjà annoncé de 700 milliards. C'est un problème. Le niveau des réserves de change a lamentablement chuté. Le minimum exigé par les standards internationaux, c'est 3 mois. On est à peu près un mois si on n'est pas en dessous des mois. Ce sont des difficultés économiques très évidentes qui invitent chacun à faire son introspection pour chercher des solutions idoines ensemble. Le gouvernement n'a plus la responsabilité, la situation réelle est difficile, la population doit en avoir conscience et concentrons-nous ensemble, réfléchissons ensemble pour trouver une solution. Pour changer le comportement, la façon d'agir. Parce qu'on voit déjà que pour renflouer les caisses de l'État en devise, on ne peut pas y aller par quatre chemins. Il ne faut pas le voir, c'est directement le renforcement du partenariat avec les bailleurs de fonds. En dehors de ça, la précarité de la disponibilité de devises sera toujours au rendez-vous. Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation PARSEM. Les habitants du site Guicheke sur la colline et zone Nyamakarawa en commune Mugina de la province de Cibitoke se plaignent de voir leur maison s'écrouler au fur et à mesure. Ces 250 ménages relocalisés avaient été victimes des glissements de terrain à Nyemondou en 2019 qui ont emporté la vie à 28 personnes et d'autres disparus. Les maisons avaient été construites à l'aide des matériaux octroyés par le PNUD et les travaux pilotés par la commune. Ces populations réclament la construction d'autres maisons d'habitation et l'ingénieur communal de Mouguina leur demande de prendre soin des logements à leur disposition en attendant l'intervention d'autres partenaires. Un reportage de notre correspondant Jackson Bahati, lu par Omer Douayou. Ce sont là des doléances des habitants qui ont été délocalisés vers le site Gicheke, à environ 30 km du chef-lieu de la commune Mouguina en province de Cibitoke. Ces habitants, victimes d'écroulement de terrain à Niemundu, se lamentent d'un mauvais état de 250 maisons d'habitation qu'ils se sont construites sur appui du programme des Nations Unies pour le développement en 2020. Le problème est que toutes nos maisons sont en cours de délabrement. Lorsqu'il y pleut, nous avons peur. Ces maisons sont en mauvais état. On nous avait promis des maisons bien construites, mais en vain. Ils nous ont menti parce qu'on n'a pas exécuté les travaux tels que promis. Je ne sais pas si nous allons occuper les salles de classe de cette école construite. Nous demandons aux âmes charitables de nous venir en aide. Jean Bosco Ndaikengurukiye, ingénieur communal qui a assuré le suivi des activités de construction, tranquillise ses habitants que la commune est en train de toquer ici et là pour trouver l'aide. Le PNUD n'a pas construit de maison. Il a simplement fourni des matériaux de construction, dont 40 tôles et 18 sacs de ciment pour chaque ménage. Les habitants ont construit eux-mêmes les maisons. La commune a piloté les travaux. Nous sommes à l'œuvre pour chercher d'autres partenaires. Cet ingénieur communal appelle ces gens à un bon entretien de ces maisons en attendant qu'on leur vienne en aide. La suite de ce journal, des réunions entre militants des partis politiques depuis la base sont régulièrement tenues et les clauses prises en compte lors de la prise des décisions aux échelons supérieurs. En commune Rumonge, cette culture démocratique est de nature à renforcer les partis politiques. Correspondance de Jean-Pierre Misago. Au niveau du parti CNDD-FDD au pouvoir au Burundi, les membres de la commune Rumonge indiquent que les membres de ce parti tiennent régulièrement des réunions depuis la sous-colline. C'est, selon lui, les clauses de ces réunions qui sont mises en application, comme le stipule d'ailleurs l'hymne de ce parti. Au niveau du parti CNL à Rumonge, les membres de ce parti politique tiennent également des réunions depuis la colline et des conseils peuvent être prodigués aux dirigeants de ce parti en cas de besoin, selon un des membres interrogés. Mais mes sons de cloche au niveau du parti UPRONA, selon un membre de ce parti Arumongue, ce sont les membres à la base qui se choisissent leurs représentants et les membres à la base expriment librement leurs opinions. Ce sont, selon lui, les opinions formulées à la base qui servent dans la prise de décision par les organes dirigeants. Les membres des différents partis politiques qui se sont exprimés convergent sur l'idée que si la culture démocratique est observée au sein des partis politiques depuis la base, cela renforce les partis politiques et les met à l'abri des querelles entre membres qui s'attelleront à leur tour au développement de leur région et partant du pays. Jean-Pierre Misago de Pirumongue, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Décision, il y en a au sein des partis politiques et souvent causée par les partisans qui veulent simplement occuper des postes de responsabilité. Analyse de Tassien Sibomana de l'UPRONA. Selon lui, certains partis politiques n'ont pas la culture du dialogue, ce qui freine la démocratie. Il soutient la réunification évoquée dans l'état actuel au sein de l'UPRONA. Mais pour lui, il faut que les parties divergentes s'entendent sur la vision de l'UPRONA réunifiée. Et ça, c'est un préalable. Suivez Tassien Siomana qui répond aux questions d'Alain Désiré Okeyenez. c'est un problème de lutte pour des positionnements. Il y en a qui vont dans une formation politique, non pas pour défendre une vision quelconque, non pas pour défendre une idéologie ou des principes, mais plutôt pour avoir une façon d'accéder à tel poste de responsabilité. Et c'est ce qui s'est passé pour le parti UPRONA qui a connu des scissions il y a longtemps. Du temps des indépendances, c'est vrai, ça a été un problème aussi de vision, parce que après l'assassinat du prince Louis Rwagasore, il y a une lutte pour sa succession. Jusqu'à ce que même des raisons ethniques s'en mêlent, jusqu'à nos jours. Maintenant, le parti UPRONA devrait être un parti excellemment de l'opposition. Mais le problème, c'est que ceux qui dirigent le parti UPRONA aujourd'hui veulent se considérer comme ils étaient encore au pouvoir, alors que la réalité est tout autre. Mais ils sont au pouvoir. Ils ne sont pas au pouvoir, parce qu'ils n'ont rien à dire dans la politique. Les gens veulent se considérer justement comme étant au pouvoir, jusqu'à tomber dans le guet-apens de défendre l'idéologie et ce que fait le parti au pouvoir. Donc, le parti UPRONA qui le dirige n'en est plus un, parce qu'il ne défend plus aucun idéal de l'UPRONA. Ils ne font que chanter au rythme et aux chansons du parti au pouvoir. Est-ce que le dialogue politique est là au sein du parti UPRONA? Il n'est pas là pour la simple raison que ces gens qui dirigent l'aile dite institutionnelle, reconnue par le pouvoir, ce ne sont pas finalement les maîtres de séance. Ils prétendent diriger le parti UPRONA, mais pour le compte du parti au pouvoir. Vous, les leaders des partis politiques, vous avez cette culture de dialogue? Moi, je ne fais rien sans consulter les organes. Dernièrement, l'UPRONA a lancé la réunification au sein du parti UPRONA. Tassien ne fait pas partie. Ce n'est pas Tassien qui ne fait pas partie. Tassien dirige une organisation qui s'appelle l'UPRONA de l'opposition. Vous ne faites pas partie donc? Pas encore. Pourquoi? Pour une simple raison. La réunification que j'ai dirigée en 2009, on avait commencé à préparer tous les textes, les modalités, comment les organes seront mis en place, ce que va défendre l'UPRONA en définitive. Il faut d'abord qu'on s'entende sur ce que devient l'UPRONA réunifié. Tassien Sibomana. De son côté, le président du parti UPRONA rassure que la liberté d'opinion est garantie à tout membre de son parti pendant qu'il s'observe des dissensions au sein de quelques autres formations politiques. Olivier Nkurunziza fait également savoir que le dialogue est ouvert pour tout membre désirant réintégrer le parti UPRONA. Olivier Nkurunziza au micro d'Oda Ndayishimiye. Au niveau du parti UPRONA, un parti qui date de 1958, il y a eu beaucoup de problèmes à l'interne qui ont provoqué qu'il y ait les divisions internes. Nous avons alors les responsables des partis politiques, mais aussi des groupes et des partis politiques qui ont quitté les rangs du parti UPRONA, mais qui restent toujours, qui continuent à défendre les causes du parti UPRONA. Là alors, on s'est mis ensemble. L'exemple, vous savez que en date du 3 mai 2023, vous avez vu qu'il y a un groupe de Badasigana représenté par professeur Ngaï Manda. On s'est mis ensemble. On venait de passer plus de 15 mois. On était en train de discuter, effectivement, de voir ce qui ont poussé les divisions à l'interne du parti. On a discuté, on a mis ensemble des principes, mais aussi qui pouvaient nous aider à se rassembler encore afin de voir quelle idéologie du parti que nous défendons nous tous, comment nous pouvons le mettre en œuvre. Mais aussi, Tassien aussi se réclame toujours qu'il veut revenir aussi. On a amorcé encore dialogue avant de comprendre effectivement des accusations que je reste toujours dans l'opposition. Nous avons dit arrêtons cela, regardons l'intérêt du parti en particulier, mais aussi l'intérêt du pays. Des conflits personnels, arrêtons cela, parce que c'est cela qui va nous aider à bien comprendre comment nous pouvons mener des dialogues. Alors, les Badasigana, alors, je suis très fier et heureux qu'ils sont allés. Nous avons mis ensemble une commission de rassemblement qui est là, où toutes les tendances des groupes sont là, on discute, on débat, et surtout nous avons mis le débat que la réunification et le rassemblement des Badasigana se fait à la base. C'est dans les collines, c'est dans les provinces, où on trouve qu'il y a des hommes et des responsables qui sont là. Alors, à la tête, comme président du parti, qui représente toujours là, nous essayons de bien toujours collaborer, essayer d'alondir les angles afin que effectivement ce processus de Wadasigar soit effectif. Parle, rassure-moi. Dans le but de limiter la propagation d'un langage de violence dans un groupe, il faut résoudre les problèmes de ce groupe à l'interne. Des explications d'un professeur à l'Université du Burundi au département des sciences politiques, Léonidas Ndayisaba suggère aux parties en conflit dans un groupe de se référer au texte le régissant. Ce spécialiste trouve que les conflits d'idées et d'intérêts sont quelques-unes des raisons qui peuvent être à l'origine des conflits au sein d'un groupe. Mireille Kanyang. Dans un groupe, il peut y avoir un langage de conflit suite à plusieurs raisons, dont des divergences d'idées et d'intérêts, explique Léonidas Ndayisaba, professeur à l'Université du Burundi. D'abord, s'il y a conflit au sein, à l'intérieur d'un même groupe, ça peut être aussi signe de vitalité. Donc, dans l'aspect positif de la chose, autrement dit, il y a eu discussion, il y a eu divergence de points de vue, et c'est une base aussi pour en tenir compte et pour s'il faut modifier les statuts, s'il faut modifier le processus de décision, s'il faut améliorer la démocratie interne. Donc, le conflit peut être effectivement une occasion de pouvoir régler des difficultés qui étaient encore pendantes, peut-être qui existaient même longtemps et personne n'a pu les voir venir. Alors, mais l'origine peut être des conflits d'idées, par exemple, des points de vue peuvent s'opposer, mais il peut y avoir aussi des conflits basés sur des intérêts. Selon ce spécialiste, il faut résoudre les conflits internes en interrogeant même les textes régissant un groupe donné. D'abord, je n'aimerais pas exagérer. Chaque fois qu'il y a un conflit a une sorte d'individualité, de personnalité. Il faut l'analyser. Qui sont les acteurs? Quel est le conflit qui s'oppose? Quelles sont les causes anciennes? Quelles sont les causes immédiates? Pourquoi maintenant? Est-ce que ça peut affecter les autres organisations? Je dis bien oui et non. Oui, surtout que les conflits que nous avons fondés parfois sur des émotions négatives, il peut y avoir des gens à l'intérieur de l'organisation ou même à l'extérieur qui peuvent se sentir soutenus. Est-ce que cela va conduire à un conflit ouvert à l'échelle locale, régionale ou nationale? Je ne peux pas exagérer. Chaque fois, il faut pouvoir analyser les choses dans leur contexte. Il faut analyser les causes de ce conflit et éviter des émotions négatives, ajoute-t-il. Un travail de prévention pour qu'il n'y ait pas escalade. Qui doit le faire? L'idéal, ce serait les concernés eux-mêmes. Autrement dit, les acteurs principaux, ceux qui sont en conflit d'idées, d'intérêts, de positionnement, de leadership et qui aiment leur organisation, peuvent se dire, ici, il y a un problème, il faudrait le résoudre. À l'intérieur de l'organisation, soit les concernés eux-mêmes, mais toujours à l'intérieur de l'organisation, d'autres, des sages, inarrivons, comme on dit souvent, et puis dire, bon voilà, nous sommes membres de l'organisation depuis longtemps, nous ne sommes plus actifs, mais quand même nous observons ce qui se passe. Ça, c'est une situation idéale. Mais des gens de l'extérieur peuvent, dans un premier temps, ne pas proposer. Et dans tout ce qui doit être fait, c'est que personne ne perde la face. Pour limiter la propagation d'un langage de conflit, suggère-t-il, il faut que les acteurs au conflit comprennent d'abord la pomme de discorde. Mireille Kanyangé avec le professeur Léonidas Ndayisaba. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.